Réveil à 15 du mat avec la traque des nirs, shit, alcool, niquer le mal. C'est comme ça qu'on fait. Réveil à 15 du mat avec la traque des nirs, shit, alcool, niquer le mal. C'est comme ça qu'on fait. Réveil à 15 du mat avec la traque des nirs, shit, alcool, niquer le mal. C'est comme ça qu'on fait. 23 piges moins 20, t'as l'âge mental, pas le temps d'être sentimental, j'ai trop la dalle. Les flics rassales, les bitches à faire. Désolé, messieurs, BX, mon frère. C'est comme ça qu'on fait. On vit dans l'excès, vitesse jusqu'au sexe. Mais est-ce que la vie se résume au mot ex? Ex-frère, ex-pote, ex-vote, moi j'suis un futur ex-pauvre négro. Et c'est comme ça que c'est. Il y a des ex que l'amour fait plus mal que la haine. Car plus dur à donner donc plus de peine. Pour gagner du fric faut perdre son âme. C'est comme ça que c'est. Marque du trou à des fans au tribunal. C'est comme ça. C'est la guerre, bouge contre sa dame. C'est comme ça que c'est. Car c'est le monde du chétan. C'est comme ça que c'est. Pour gagner du fric faut perdre son âme. C'est comme ça que c'est. Marque du trou à des fans au tribunal. C'est comme ça que c'est. C'est la guerre, bouge contre sa dame. C'est comme ça que c'est. Car c'est le monde du chétan. Dans les clubs, mes gars se la jouent thug, un budget drug. Et fuck les motherfuckers, jeune squal élégant. Ouais, c'est comme ça que c'est. Jeune femme élégante, dont ton numéro d'accès. Ça part de bling bling, de string et de cream. Le samedi soir, ça scène comme dans Scream. C'est comme ça que c'est. Ça à la chasse, siffle les taffes en tirant sur des taffes. Millionnaire sans taf, comment ça fait? Ça pille et ça diète. Personne le sait. Tu nous maudis mais ça reste sans effet. Regarde l'effet, je brille en effet. C'est comme ça que plus c'est. Plus du monde plus on veut descendre. C'est comme ça que c'est. Finira par partir ensemble. C'est comme ça que je c'est. Je parle si je me fais descendre. Futur révolutionnaire. Et pas la révolution. C'est comme ça que c'est. Pour gagner du fric faut perdre son âme. C'est comme ça que c'est. Marque du trou à des fans au tribunal. C'est comme ça que c'est. C'est la guerre, bouge contre sa dame. C'est comme ça que c'est. Car c'est le monde du chétan. C'est comme ça que c'est. Pour gagner du fric faut perdre son âme. C'est comme ça que c'est. Marque du trou à des fans au tribunal. C'est comme ça que c'est. C'est la guerre, bouge contre sa dame. C'est comme ça que c'est. Car c'est le monde du chétan. C'est la guerre, Bagdad à Manhattan, c'est la guerre. Bouge contre sa dame, c'est la guerre. Chrétien contre islam, c'est la guerre. Car c'est le monde du chétan. C'est comme ça que c'est, et tout le monde le sait. Pour mer noire, bloqués sont les accès. Deviennent des accès, crac, donc braque. Croyons venger du bar, c'est comme ça que c'est. Le rêve de Merco, de sa panco, c'est comme ça que c'est. La vie de la coco, comme des bras, c'est comme ça que c'est. Le rêve de Gucci, Dolce Gabbana, c'est comme ça que c'est. On va donner son yard dans un lupin, c'est comme ça que c'est. Pour gagner du fric, faut perdre son âme, c'est comme ça que c'est. Les seigneurs qu'ils gardent vos âmes, c'est comme ça que c'est. De peur qu'ils vous condamnent, c'est comme ça que c'est. Car c'est le monde du chétan, c'est comme ça que c'est. Pour gagner du fric, faut perdre son âme, c'est comme ça que c'est. Marque du trou à des fans au tribunal, c'est comme ça que c'est. C'est la guerre, bouge contre sa dame, c'est comme ça que c'est. Car c'est le monde du chétan. C'est comme ça. Pour gagner du fric faut perdre son âme. C'est comme ça que c'est. Marque du trou à des fans au tribunal. C'est comme ça que c'est. C'est